Chapitre 8. La candidature. Le tramoiseau prit son envol. Ophélie adressa un dernier regard à la statue du soldat sans tête qui gardait l'entrée du mémorial au milieu des mimosas. Elle lui fit une promesse. La prochaine fois qu'elle reviendrait le voir, elle serait prête. « Les virtuoses sont une véritable élite, » insista Ambroise, qui était monté à bord avec elle. « La bonne famille, c'est le conservatoire que tout le monde à Babel rêve d'intégrer. Croyez-moi, miss, ils ne prennent là-bas que les candidats qui disposent d'un talent unique. Ils sont extrêmement sélectifs. » « Ils recrutent des avant-coureurs toute l'année, non ?»« Les avant-coureurs sont les plus grands spécialistes de l'information, et vous, well, vous n'êtes pas la personne la plus informée que je connaisse. » Ophélie ne l'écoutait que d'une oreille. Toute son attention était rivée sur l'arche dédoublée, à demi avalée par les filaments des nuages qui grandissaient de l'autre côté de la vitre. La bonne famille était un conservatoire si vaste qu'il occupait à lui seul deux îles flottantes reliées par un pont. Lorsque le tramoiseau approcha du débarcadère, Ophélie vérifia qu'elle avait bien sur elle ses faux papiers. « Je vous confie mon sac, » dit-elle à Ambroise. « Il m'a fait passer pour une malpropre au mémorial. J'aime autant ne pas renouveler l'expérience. »« Comptez sur moi, miss. » Ophélie hésita. Elle aurait voulu prendre les mains inversées de l'adolescent dans les siennes, lui dire à quel point elle lui était reconnaissante pour la gentillesse qu'il lui avait manifestée depuis le premier instant. Elle n'y arriva pas. Il en allait toujours ainsi avec elle, à la moindre émotion. Elle perdait tous ses moyens. Vous êtes un bon chauffeur de taxi. La déclaration arracha un sourire à Ambroise, bref et clair de lumière blanche sur le bronze de sa peau. Et vous, une cliente inattendue. Votre sac et moi, nous vous attendrons chez mon père. Bonne chance, miss. Une fois débarquée, Ophélie rendit son salut à Ambroise qui l'encourageait à travers la vitre, tandis que le puissant battement d'ailes des chimères l'emportait au loin. L'entrée de la bonne famille se situait à l'autre bout du quai qui servait de trait d'union entre le ciel et la terre. Elle était encadrée par deux statues si colossales qu'Ophélie dut protéger ses yeux, aveuglés par le soleil, pour distinguer leurs visages depuis le sol. Une femme et un homme, probablement Hélène et Pollux. Elle remonta l'interminable route d'allée qui traçait une ligne droite jusqu'à l'édifice principal. Il évoquait une cathédrale de l'Ancien Monde avec sa façade sculptée en dentelle, ses arcs-boutants et le vitrail de sa rosace. Tout ceci était d'une majesté royale. Le dôme blanc de l'observatoire, les grands escaliers de marbre, les édifices taillés comme des temples antiques jusqu'à l'envergure des arbres centenaires qui plongeaient l'allée dans l'ombre. Une armée d'automates s'activait pour entretenir les jardins et nettoyer les vitres. Le conservatoire était une vraie cité à part entière. Les étudiants, qui sourcillaient au passage d'Ophélie, portaient tous d'élégants uniformes bleu nuit, rehaussés d'argent. Ambroise avait raison, cet endroit n'était pas à la portée du tout venant. Quand Ophélie gravit les marches de la bâtisse principale, elle put lire sa devise sur le fronton « Prestige et excellence ». Elle eut à peine le temps de fouler le marbre du hall d'accueil qu'un homme lui fit poliment signe de rebrousser chemin. « Pardonnez-moi, jeune dame, mais vous ne pouvez pas entrer. Je viens pour l'appel à candidature. » L'homme parut décontenancé. Il eut un regard circonspect pour la toge blanche et la peau rougie d'Ophélie avant de la reconduire sur le seuil. Il lui désigna à l'autre bout du domaine l'immense pont qui enjambait le vide. « Vous vous êtes trompée d'arche, jeune dame. Vous êtes ici chez les virtuoses de Pollux. Vous devez vous rendre du côté des virtuoses d'Hélène. » Ophélie en fut quitte pour marcher encore. Ses sandales lui faisaient de plus en plus mal aux pieds et sa nuque recommençait à rôtir sous le soleil. Aucune illusion exotique de la cour du pôle ne lui avait jamais donné aussi chaud. Elle traversa le pont, long et large comme une avenue, et rejoignit l'arche jumelle. C'était comme si les constructeurs avaient dupliqué ici tous les édifices de l'autre côté, avant de les dépouiller un par un de leur caractère grandiose. Le marbre avait cédé la place à la pierre brute, les vitraux au verre dépoli. Aucune enjolivure ne venait embellir l'ensemble. Il n'y avait pas non plus d'automates. Si les lieux étaient à l'image des esprits de famille de Babel, Pollux était le roi des esthètes et Hélène, la reine des ascètes. Même le temps était moins lumineux et Ophélie se retrouva vite engloutie dans une marée montante de nuages surgis de nulle part. Gênée par la vapeur chaude qui se collait à ses lunettes, elle eut du mal à trouver l'escalier du service administratif. Sur le fronton, la devise des virtuoses d'Hélène était différente de celle des virtuoses de Pollux. Faire savoir et savoir faire. Cette fois, Ophélie ne fut pas refoulée en franchissant l'entrée. Une préposée à l'accueil examina ses papiers sans un mot. Elle la conduisit ensuite jusqu'à une salle d'études où deux autres candidats, un homme et une jeune fille, étaient penchés chacun sur un pupitre. La préposée fournit à Ophélie de quoi écrire. Recopiez les différentes définitions du mot « définition ». Trouvez un synonyme pour chacune d'elles et recopiez également leur définition. Il s'agit d'un simple exercice pour vérifier votre connaissance de l'alphabet. Ophélie contempla le dictionnaire qui lui fut remis. Elle aurait préféré un verre d'eau fraîche. Dès que la préposée referma la porte de la salle d'études, l'homme rapprocha son pupitre de celui de l'adolescente. « Et donc, tu disais ?»« Ma mère m'a obligée à venir ici, » siffla celle-ci en tournant rageusement les pages de son dictionnaire. « Moi, je n'ai rien demandé. Je ne demande jamais rien. Je suis toujours celle qui fait docilement ce qu'on attend d'elle. Et... » l'encouragea l'homme. « Et ma mère, elle est devenue citoyenne grâce à son seul mérite. Elle voudrait à présent que je suive ses traces, que je fasse mieux même. Elle n'arrête pas de me répéter que je dois devenir virtuose, et à côté de ça, elle me traite d'incapable. Ophélie leva les yeux de son dictionnaire, déconcentré. L'homme ne cessait de rapprocher son pupitre de sa jeune voisine. Il la dévorait du regard, suspendu à ses lèvres, comme s'il n'y avait rien de plus passionnant au monde que ce qu'elle avait à lui dire. « Et il paraît qu'on vous mène la vie dure ici, » reprit l'adolescente sans se faire prier, « qu'il faut étudier nuit et jour, et que ce n'est jamais assez, que plus on s'applique, plus on vous rabaisse. J'en ai marre qu'on me rabaisse. » « Non, » ajouta-t-elle d'une voix changée, soudain frappée par une révélation, « j'en ai marre de ma mère. Je n'ai rien à faire là. » Sur ces mots, l'adolescente froissa sa feuille de papier et quitta la salle d'études en claquant la porte. L'homme remit son pupitre à sa place d'un air victorieux et, sentant sur lui le regard stupéfait d'Ophélie, il lui décocha un baiser du bout des doigts. « Ne me juge pas trop durement, miss. Notre épreuve commence dès à présent, n'est-ce pas? C'est la dure loi de la concurrence. « Vous l'avez influencé, » comprit-elle avec un hoquet de sourcils. « Je suis un pharaon. Le charme est mon pouvoir familial. J'inspire irrésistiblement aux autres l'envie de se confier à moi. Je ne voudrais pas te décourager, miss, mais je suis le plus grand extorqueur d'informations de tout Babel. L'avant-coureur idéal. » Ophélie fut soulagée d'entendre la préposée appeler l'homme pour son entretien. Elle n'avait pas pu s'empêcher de le trouver sympathique, preuve que son pouvoir était redoutable. S'il parvenait à séduire les examinateurs avec la même facilité, ça ne lui laissait pas beaucoup de chance. Elle essaya de revenir à son dictionnaire, mais elle eut les plus grandes difficultés à faire son exercice. Elle avait perdu sa concentration. Sur le moment, la voie pour accéder au secrétarium du mémorial lui avait paru toute tracée. À présent, le doute distillé par Ambroise et par le pharaon produisait son effet. Qui était-elle pour prétendre incorporer l'élite de Babel? Elle tenta, dans un geste un peu vain, de lisser ses boucles folles. Elle n'aurait finalement peut-être pas dû couper ses cheveux avec des cisailles. Ophélie fut appelée par la préposée qui récupéra sa feuille et l'introduisit dans une nouvelle salle. Un couple d'examinateurs se tenait dans la lumière hachurée d'une persienne, tous deux assis derrière une imposante table de marbre. L'homme avait des yeux bridés qui trahissaient une forte intensité, et la femme était d'une pâleur cadavérique et qui tirait sur le bleu. Ce n'étaient pas des descendants de Pollux, mais tout dans leur allure laissait savoir qu'ils n'en étaient pas moins des citoyens de Babel. « Prenez place. » Le siège que l'un des examinateurs désigna de l'autre côté de la table était un tabouret à pieds entrecroisés. Ophélie le renversa en voulant s'y asseoir. Comme première impression, c'était réussi. Votre nom ? Eulalie, répondit Ophélie en remettant le tabouret d'aplomb. Avez-vous des références, une lettre de recommandation, une expérience professionnelle ? Non. Il était hors de question qu'elle mentionnât son travail au musée d'Anima et ses états de service à la cour du pôle. Si elle voulait échapper à la vigilance de Dieu, elle devait être ici Eulalie, juste Eulalie. Or, Eulalie n'avait pas de passé. Jeune dame, reprit alors la femme, vous devez comprendre que la Bonne Famille est un établissement spécialisé dans le perfectionnement des pouvoirs familiaux. Nous acceptons les personnes de tout âge et de tout horizon, mais il est rare, extrêmement rare, que nous prenions des sans-pouvoirs. Il va vous falloir être persuasive. Ce n'est pas une sans-pouvoir. L'homme avait répondu à la place d'Ophélie, à la surprise de cette dernière. Il croisa les mains sur la table et posa sur elle ses yeux bridés, à la fois noirs et brillants comme de l'encre. Je décèle en elle plusieurs pouvoirs familiaux amalgamés et pas très bien répartis. Ne soyez pas si anxieuse, ajouta-t-il d'un ton radouci. Un empathique d'Al-Andalouse. C'était une famille qu'Ophélie connaissait mal. Elle aurait été bien embarrassée de situer leur arche sur une carte. Mais elle savait au moins une chose. Leur pouvoir leur permettait d'entrer en résonance avec celui des autres. Raidie sur son tabouret, elle espérait qu'elle ne serait pas trop transparente pour cet homme. « Vous êtes donc une métisse !» déduisit la femme à son soulagement. « Les pouvoirs issus de lignages différents s'accordent rarement bien entre eux normalement. Mais tel n'est peut-être pas votre cas. Nous vous écoutons, jeune dame. En quoi feriez-vous une bonne avant-coureuse? Quelles sont vos compétences ?» Ophélie comprit sans mal qu'elle partait avec un désavantage certain aux yeux du jury. « Mon pouvoir familial dominant est l'animisme. » Les animistes ne sont pas répandus à Babel. Il vous est possible d'animer n'importe quel objet? Surtout les objets que je connais bien. Vous pourriez réparer des dégâts matériels? Je peux soigner mes lunettes en quelques jours. Seriez-vous en mesure de créer un mouvement perpétuel? Un mouvement, oui. Perpétuel, non. L'homme et la femme échangèrent un regard. Ophélie s'en doutait. Si elle voulait avoir la moindre chance de devenir une virtuose, il allait lui falloir jouer la carte du talent et donc courir le risque de se dévoiler. Les avant-coureurs sont les plus grands spécialistes de l'information, avait dit Ambroise. Je suis une liseuse. Une liseuse, répéta la femme. « Oui, j'ai entendu parler de cette orientation particulière de l'animisme. Vous percevez certaines choses en touchant des objets. C'est bien cela. » À l'intonation de sa voix, Ophélie vit bien qu'elle ne prenait pas ce pouvoir-là très au sérieux. Si le rôle de l'homme était d'entrer en empathie avec les candidats, celui de cette femme était de s'y montrer insensible. La couleur bleutée de sa peau était caractéristique des Sélénites. Un peuple qui maîtrisait les forces conscientes et inconscientes présentes en chaque être humain. Il était inutile de chercher à flatter, amadouer ou envoûter un Sélénite. Il fallait le convaincre, point à la ligne. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez, puis promena un regard circulaire sur la pièce, son mobilier austère, ses plantes vertes, ses tubes pneumatiques, ses rangées de cartes perforées, avant de s'arrêter sur une vitrine dans laquelle étincelait des trophées. Certains d'entre eux paraissaient particulièrement anciens. Ils sont la propriété de la bonne famille? Si vous me donnez l'autorisation, j'aimerais en expertiser un. Vous avez notre permission, dit l'homme. Nous en choisirons un pour vous, précisa la femme. Ils sélectionnèrent un trophée dont l'or avait considérablement vieilli. Il ne portait aucune plaque, aucune inscription. Il était impossible de deviner qui l'avait obtenu et en quel honneur. C'était un choix parfait. Ophélie ôta ses gants et prit le trophée entre ses mains. Elle fut aussitôt traversée par un scepticisme qui ne lui appartenait pas, il correspondait à l'état d'esprit de la femme au moment de prendre le trophée dans la vitrine. Cela ne dura qu'une fraction de seconde. Le flux du temps l'emporta de plus en plus loin en arrière. Elle se sentit passer de main en main. On montrait le trophée en exemple. On le dérobait pour faire enrager la direction. On l'astiquait avec le plus grand respect. On le vandalisait d'un geste rageur. Et puis, ce furent soudain une explosion d'applaudissements et de huées, une satisfaction mêlée de gêne et glissée dans le creux de l'oreille, inaudible du reste de la foule, un chuchotis haineux. « Tout le monde t'oubliera vite, impuissant. » Ophélie posa le trophée sur la table et regarda les deux examinateurs bien en face. « Il s'agit d'un premier prix d'excellence décerné à un virtuose. Pas n'importe quel virtuose, un sans-pouvoir. Il est aujourd'hui cité en modèle, mais cette récompense a été controversée à l'époque. « Il y avait une plaque à l'origine, » ajouta-t-elle en soulignant du doigt la base du trophée. « Elle a été arrachée par un rival dans un acte de jalousie. Il y avait écrit dessus « En témoignage des grands mérites de vos recherches théoriques et expérimentales sur la machine analytique. » Les deux examinateurs échangèrent un nouveau regard, mais ils ne firent aucun commentaire. Ils étaient l'un et l'autre si impassibles qu'Ophélie ne put déterminer si elle leur avait fait forte impression ou non. Elle ne savait même pas ce qu'était une machine analytique. La femme rangea le trophée à sa place et lui tendit un stylographe. « Nous demandons à tous les postulants de signer le registre. Avant de le faire à votre tour, je voudrais que vous lisiez ceci. » Ophélie serra les gants qu'elle s'apprêtait à remettre. « Vous attendez de moi que je vous livre des informations sur les autres candidats ? Ce sera votre dernier test. » « Je ne peux pas lire un bien sans le consentement de son propriétaire. » « La bonne famille est la propriétaire de ce stylographe, au même titre que ses trophées, » dit la femme avec un geste pour la vitrine. « Il n'y a aucune différence. » Ophélie contempla longuement l'objet. Un rayon de soleil, soudain échappé de la persienne, rebondissait sur l'or de sa plume. Son dernier test. Elle reboutonna ses gants. « Je suis désolée, madame. Il y a une différence. Ces trophées appartiennent au passé. L'avenir de leurs propriétaires ne dépend pas de ce que je pourrais divulguer sur eux. » La femme pinça les lèvres et il sembla à Ophélie que le réseau de ses veines devint plus visible que jamais sous la pâleur bleutée de sa peau. Le rayon de soleil, ravalé par un nuage, s'éteignit comme une flamme sur la plume. « Signez et sortez, jeune dame. « Je dois vous laisser une adresse où me joindre. Je suis actuellement installée chez le fils de M. Las. »« Ça ne sera pas nécessaire. » La coupa la femme. Tandis qu'Ophélie griffonnait un maladroit Eulalie sur le registre de candidature, elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Les examinateurs rédigèrent chacun une note sur un même papier qu'ils glissèrent dans une cartouche, puis la transmirent à un autre service via un tube pneumatique. Sitôt sortie, elle s'engouffra dans les toilettes les plus proches et se passa de l'eau sur le visage. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. Sa déontologie professionnelle avait une fois encore pris le dessus. Elle venait de laisser passer sa seule chance d'accéder au secrétarium du mémorial, d'enquêter sur l'ultime vérité, de démasquer Dieu, de retrouver Thorne, et tout cela, par égard pour qui ? Des candidats qui n'hésitaient pas à utiliser leur propre pouvoir pour se débarrasser de la concurrence. Miss Eulalie ? À peine avait-elle quitté les toilettes qu'une jeune fille s'était dirigée vers elle, une étudiante à en juger par son uniforme. Oui ? Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Lady Helen aimerait s'entretenir avec vous. Ophélie n'était pas une experte en esprit de famille. Sur les 21 qui existaient, elle n'en avait connu que deux jusqu'à présent et chacune de ces rencontres lui avait laissé une impression mémorable. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Lady Helen, elle sut que cette fois-ci ne dérogerait pas à la règle. Le fauteuil où l'esprit de famille se tenait assise était relié à un mécanisme tentaculaire. Des dizaines de bras articulés s'activaient en ronronnant, qui pour ouvrir un tiroir de casier, qui pour soulever le couvercle d'un monte-charge, qui pour vider le contenu d'un tube pneumatique. Les uns accumulaient à gauche le courrier en attente, les autres récupéraient à droite le courrier traité, et cela sans aucun temps mort. La première chose qui sauta aux yeux d'Ophélie, une fois dissipé l'effet de surprise de ce ballet mécanique, était qu'Hélène ne ressemblait en rien au statut qu'on voyait d'elle en ville, magnifiquement dressée à la droite de Pollux. Son nez et ses oreilles étaient éléphantesques, comme si le gigantisme qui l'avait frappée s'était acharné sur ces parties-là de son anatomie. De façon générale, rien ne semblait normalement proportionné chez cet esprit de famille. Sa tête était trop grosse par rapport à son corps, ses doigts trop longs par rapport à ses mains, sa poitrine trop ample par rapport à son buste. On aurait dit une immense caricature douée de vie. Ophélie sentit son estomac remuer lorsqu'Hélène tamponna un papier, le rangea dans la pile du courrier traité, puis releva lentement les yeux vers elle. Ils avaient complètement disparu derrière un système optique d'une folle complexité. Ses doigts effilés, pareils à des pattes d'araignée, ôtèrent leurs lentilles amovibles parmi les dizaines qui étaient superposées sur son immense nez. Comme si cela lui permettait de mieux voir la petite visiteuse qui se tenait de l'autre côté de son bureau. L'étudiante qui escortait Ophélie referma la porte puis tourna plusieurs fois la poignée en forme de volant. On aurait cru qu'elle verrouillait un coffre-fort de l'intérieur. Les mille et un petits bruits qui animaient le conservatoire, percussions de pas, éclats de voix, claquements de portes, furent aussitôt étouffés sous une triple épaisseur de silence. À présent qu'Ophélie y prêtait attention à la faveur des globes lumineux, il n'y avait aucune fenêtre dans le bureau. Juste un curieux périscope qui descendait du plafond. Howard Harper. La voix d'Hélène avait soudain résonné sur tous les marbres et les métaux de la pièce. C'était une voix si grinçante, si lente, si sépulcrale, qu'Ophélie se demanda un instant si elle était en train d'essayer d'invoquer un esprit. C'était une époque où les sans-pouvoirs portaient encore des noms de famille, poursuivit Hélène en articulant méthodiquement chaque syllabe. Ils sont tous tombés dans l'oubli aujourd'hui, tous sauf un, Harper. Même moi, qui suis doté d'une très mauvaise mémoire, je connais ce nom-là. Et vous, jeune dame, le connaissez-vous ? Non, madame, répondit Ophélie perplexe. Où cette conversation était-elle en train de la mener ? Est-ce que c'était la procédure habituelle pour chaque candidat ? Howard Harper est l'homme qui a contribué à bâtir l'endroit où vous vous tenez en ce moment, dit Hélène en se renversant lourdement contre le dossier de son fauteuil. Avant lui, cette petite arche n'était qu'une jungle envahie de nuages et il n'existait qu'un seul conservatoire des virtuoses, celui de mon frère et de sa chère progéniture. Je n'ai, moi, jamais pu avoir d'enfant. De tous les esprits de famille, je suis la seule à être infertile, et ce n'est pas l'unique tare dont je suis affectée, ajouta-t-elle avec une ironie qui rendit sa voix plus grinçante encore. Howard Harper est celui qui m'a montré une autre voie. Il a été mon tout premier filleul. Le trophée, murmura Ophélie. Hélène la considéra à travers toutes ces superpositions de lentilles. L'éclat doré d'un regard, aussi infime qu'une étoile tant il semblait lointain, luisit de l'autre côté. « Le trophée, oui. Avec un temps soit peu d'instruction, vous auriez immédiatement identifié son propriétaire. J'ai écouté d'ici votre prétendue expertise et je l'ai trouvé d'une incomplétude désolante. Mes connaissances historiques, absence de datation, anecdotes dénuées de pertinence, votre pouvoir familial est intéressant, mais vous, jeune dame, vous êtes une ignare. Si vous étiez tombée dans le piège des examinateurs en lisant le stylographe, vous ne vous trouveriez même pas dans mon bureau. » Ophélie serra avec force les mains qu'elle avait croisées dans son dos. Elle avait reçu toutes sortes d'insultes au cours de sa vie et de bien plus cruelles, mais celle-ci l'atteignit droit au cœur. Lire était le seul domaine où elle était douée. Être critiquée sur ses compétences réveillait en elle une susceptibilité dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. « Je ne suis pas d'ici, madame. Je ne pouvais pas savoir. » Hélène eut un geste agacé. Ses doigts étaient si gigantesques que l'appel d'air fit voler tous les papiers du bureau. « Bien sûr que vous auriez dû savoir. C'est là toute la différence entre l'amateur et le professionnel, l'ignorance. Quand on possède un pouvoir comme le vôtre, est une faute inacceptable. Ce sera donc mon rôle d'y remédier. » Ophélie, qui serrait ses mains de plus en plus fort, relâcha d'un coup leur étreinte. « Vous m'acceptez comme virtuose ?» Un bras mécanique ouvrit un tiroir, en sortit un papier et le tendit à Ophélie. C'était un document officiel d'inscription au conservatoire. Les lèvres d'Hélène sourlèrent autour d'un sourire d'ogresse qui révéla une quantité effroyable de dents. « Je ne vous souhaite pas la bienvenue à la bonne famille, jeune dame. Je le ferai dans 3 semaines, si vous êtes encore parmi nous d'ici là. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de retard à rattraper avant de prétendre devenir une avant-coureuse. »